Akuluye mama na akuluye mama. Atswana. Akuluye mama na akuluye mama. Twana. Twata. Akuluye mama na akuluye mama. Twana. Akuluye mama na akuluye mama. Twana. Bonjour. Voilà. Yes, I. Béabotou, c'est Angelo Papa, le leader du groupe. Il y a Bibi. Yes, I. Il y a Kev Bilo qui n'est pas là, qui a voyagé un peu là, qui est allé au pays pour faire la promotion. Voilà. Le nouveau Abotou, nous font trois, mais l'ancien Abotou, on était quatre. On était quatre. Voilà. Mais on s'est rencontrés. Mais moi, normalement, je fréquentais à Zenoula. Bon, quoi, une ville de gourous. Voilà. Et puis après, je suis venu en vacances, j'ai vu Akef Bilo qui joue au djembé. Mais là, en même temps, tu m'as fait un tic, j'ai dit, mais attends, c'est lui, Akef Bilo, qui joue au djembé, et puis les gens sont là. Bizarrement, aussi, depuis Zenoula, moi, je chantais. Donc, j'ai dit, mais. Bon, on peut faire un petit truc ensemble et puis voilà, c'est comme ça un peu on a commencé et puis après voilà, Bibi, voilà moi je suis arrivé parce qu'on se connaissait depuis l'enfance, bon voilà, ouais. Donc moi je suis arrivé, je les ai trouvés dans notre région, au campo, au village, ben, voilà, donc en même temps je les vois, ils sont en train de chanter là, et j'ai dit ben avant, voilà, les gars sont en train de chanter, donc bon, moi je connaissais déjà la chose, donc comme ça je me suis mis là-dedans, même pas direct là, c'est comme ça. Le premier album d'Abotou c'est Protège-toi. Ouais, Protège-toi. Pourquoi? Parce que au moment où on voulait faire sortir l'album, le sida en tout cas ravageait hein, le monde. Hein. Ouais, ouais. Donc voilà quoi, on a eu une inspiration comme ça pour le sida. Et puis en vente, là, normalement il y avait une émission qu'on appelait Podium, on trouvait les talents, les nouveaux talents. Ouais. Il y avait Présélection, Podium, Nous sommes allés. Où il y avait, on dit, on avait fait un truc royaume. Il y avait beaucoup de tam-tam, hein. Nous, quand on avait un seul tam-tam, une bouteille. Une bouteille, bon, avec les voix. Avec les voix. Mais quand on a fini, bizarrement, on nous a dit d'arrêter. Après, on voit à la télévision, nous sommes premiers. Mais Dieu merci. On avait notre chanson comme générique du concours de chant. Bakayi bo yogama o, yogama, yogama, yogama bakayi bo. Donc après, on nous a dit d'arrêter. Et puis bon, voilà, Dieu merci, après ça on a eu un producteur et puis bon, voilà quoi. Sélectionné. Voilà, on a 8, ouais. Albums, ouais. Oui, c'est le 8e maintenant, ouais. Ben en tout cas, il y a beaucoup de choses qui nous inspirent. Ben le premier c'est quoi? On dit quoi? C'est Dieu qui nous inspire d'abord. Et puis il y a la nature. La nature. Pourquoi pas? Parce que chez nous, il y a c'est la forêt. La forêt. Il y a, voilà, quoi, il y a beaucoup de forêts. Et puis il y a l'eau. Il y a l'eau. Pourquoi? Parce que notre village est. Au milieu de l'eau. C'est comme la Martinique chez nous. Hein. Voilà. Voilà. Des grandes plages. Ben, voilà. Donc c'est l'eau surtout, les vagues, le bruit de l'eau. Ben, il y a beaucoup d'artistes, par exemple, nous sommes ici en France, il y a notre jeune frère Caris qui est là, ouais. Et puis il y a Chez aussi. Il y a Matt Dims. Matt Dims, ouais. Et puis il y a Fanny aussi, parce que Abotou, tu vois, c'est une couleur musicale. Voilà, c'est un mélange de musique africaine et voilà. Puis qui prend le monde, quoi. Pourquoi la vie est bizarre, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi la vie est si compliquée, on ne sait pas pourquoi. La vie est simple, mais c'est nous la compliqué là, on ne sait pas pourquoi. Oui, bien sûr, on a gagné des prix, le meilleur espoir, on a gagné en 96, on a été meilleur groupe en 97, meilleur vente Midjack Music. Et on a eu prix. Il y en a eu d'autres, hein, mais. Fest Divisa du CCF, le Centre Culturel Français, en Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis, il y en a d'autres, mais par rapport à la guerre qui s'est passée au pays, bon. Dont les trophées sont envolés, hein. Bon. Pas de la faute, hein. Bon, voilà. Voilà. Akuluye mama na akuluye mama. Twana. Twata akuluye mama. Le nouvel album s'appelle Les Djidji. Pourquoi Les Djidji? Parce que c'est à Abotourou. On vient toujours avec la racine, parce que Abotourou, voilà, on a beaucoup de branches. Voilà. Donc même dans ce dernier album, on a fait un petit clin d'œil à Vanessa Paradis. Oui, ouais, cet album comporte 8 titres avec 2 bonus, avec un morceau d'une artiste française qu'on aime bien, voilà, Vanessa Paradis. Qu'on a pris d'une autre manière. D'ailleurs, qu'on les trouve très belle aussi, ouais. La musique africaine aujourd'hui, vraiment c'est du costaud. A beaucoup évolué, vraiment c'est du costaud. Les gars font un grand boulot. Moi je dis Dieu merci, parce qu'aujourd'hui on prend vraiment une grande place dans le monde. Voilà, pas parce qu'on commence à prendre, on a déjà pris, on prend. Et moi je dis que vraiment c'est vraiment satisfaisant.